chrétien, musulman, juif ou athée, la religion ne me fera jamais oublier ceux qui m'ont mis sur terre et qui m'ont enseigné les valeurs de la vie, qu'il m'ait ou pas aimé. Que je vienne d'Asie, d'Amérique ou d'Afrique, à l'autre continent d'une autre république, je n'oublierai jamais l'époque où l'on t'explique qu'il y a certaines formes de vie qu'on critique. Je suis un homme comme tous les hommes, nos différences ne sont que très minimes. Nous sommes des hommes, tous des hommes, tous identiques malgré nos origines. Une peau ne change plus la vision, que l'apparence d'un être ne soit qu'une illusion, que la forme d'un corps ou les traits d'un visage nous fasse évoluer comme change un paysage. Nous sommes la descendance d'ancêtres à la peau noire. L'extérieur a changé, mais je garde l'espoir que tous nos points communs construisent un jour nos vies, et qu'un jour la lumière prenne la place de la nuit. Je suis un homme comme tous les hommes, nos différences ne sont que très minimes. Oui, nous sommes des hommes, tous des hommes, tous identiques malgré nos origines. La religion ne me fera jamais oublier ceux qui m'ont mis sur terre et qui m'ont enseigné les valeurs de la vie, qu'il m'ait ou pas aimé. Que je vienne d'Asie, d'Amérique ou d'Afrique, d'un autre continent, d'une autre république, je n'oublierai jamais l'époque où l'on t'explique qu'il y a certaines formes.